Hey, aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir à nouveau Stéphane Garneau, historien. On a toujours bien du plaisir avec des sujets fort intéressants. Salut Stéphane. Bonjour Alain. Hey Stéphane, là, lundi prochain, pour plusieurs personnes, on travaille pas. Mais là, c'est quoi? C'est-tu la fête de la reine, c'est-tu la fête des patriotes ou la fête de dollars des hormones? C'est ça, faites votre choix, c'est là que vous préférez. Peut-être qu'on nous parler de la fête de dollars, dans le fond. Hein? Aujourd'hui, oui, parce que on fête beaucoup plus les patriotes qu'officiellement, on fête plus dollars des hormones. Fait que c'est pour ça que j'ai décidé d'en parler. Oui. On va revenir un peu sur les origines avant c'est de parler ça. Un petit peu sur ce qui se fait dans la région. Okay. Dans le fond, pour revenir vraiment aux origines, nous, on commence par penser avec la fête de la reine. Oui. Après la fête des patriotes, là, on se souvient des patriotes 1837-1838 là, avec Louis-Joseph Papineau. Ouais. Bon, évidemment, on perd contre les Anglais. Le Bas-Canada, qui est le Québec actuel, est fusionné avec le Haut-Canada, qui est l'Ontario. Par l'acte d'union de 1840. Okay. Hein, but, on veut vraiment assimiler les Canadiens français et éviter des futures rébellions. Fait que là, la nouvelle province, on va parler le nom de Canada. Hein, c'est la province, à ce moment-là, qui est juste le Québec et l'Ontario, qui s'appelle okay. Le Canada. On cherche une manière d'unifier les Canadiens français et anglais. Puis en 1845, on va créer une nouvelle fête pour souligner l'anniversaire de la reine Victoria qui est née le 24 mai 1819. OK. D'où la raison du mois de mai. OK, oui. C'est alors l'occasion de manifester sa loyauté à la monarchie. Hein, début de cette fête-là est officielle, elle a lieu le même jour de l'anniversaire que la reine, mais on va décider, vu qu'on va y en intensité, dans la seconde moitié du 19e siècle, de la décaler. Hein, on va décider que ça va être le lundi précédent le 25 mai. Okay. Ça permet de prolonger en même temps la fin de semaine. OK, OK. À la mort de la reine Victoria en 1901, le lundi est désigné officiellement jour férié national, afin de souligner sa contribution à la formation de la Confédération canadienne en 1867. OK. Donc, ça devient un jour férié. La fête de la reine. À partout au Canada. Mais évidemment, avec les Canadiens français, on est toujours un peu rebelles. On n'a jamais vraiment fêté fort la fête de la reine. Tu sais, c'est un peu l'équivalent aujourd'hui de qui fête la Confédération. Au ouais. Québec, c'est beaucoup plus la fête du déménagement que la Confédération. On est content d'avoir le congé, mais on ne la ouais, fête pas c'est vraiment. Ça, c'est ça. C'était un petit peu pareil ce qui se passait à l'époque. Hein? Pendant longtemps, c'était simplement une longue fin de semaine de mai. Mais, sous l'invent d'un nationaliste, dont l'abbé Lionel Groulx, on va commencer à fêter officieusement l'un de nos héros légendaires parce que de l'époque, parce que ouais. Par la suite, il y a eu des recherches okay. qui l'ont un peu... discrédité. Ouais. Dollard des Ormeaux. Qui était Dollard des Ormeaux? C'est ça, je voulais dire. C'est qui, ça, Dollard? Il est né en France le 23 juillet 1635 et il arrive en Nouvelle-France en 1658. OK. Donc, son vrai nom, c'était Adam Dollard des Ormeaux. Et selon la légende, il est parti de Ville-Marie, qui est Montréal aujourd'hui, oui. en 1660, avec 17 Français et 44 Hurons. Pour intercepter des Iroquois qui s'apprêtent à attaquer la colonie. Des Ormeaux, ces hommes affrontent les Iroquois, 300 Iroquois, à Longueau, qui est aujourd'hui à l'ouest de Cornwall, dans une bataille ouais. sanglante. Bon, ils vont perdre la vie, ici, ces hommes. Et on dit qu'on va. Mais ils vont permettre de repousser l'attaque et de sauver Ville-Marie. Okay. Donc, c'était un petit peu la légende. Donc c'était ils ont perdu la vie pour défendre la ville. C'est ça, c'était okay. pour le côté théorique de la chose. Oui. Hein? Si la première journée est fêtée à Montréal le 29 mai 1910 pour marquer le 250e anniversaire de la fameuse bataille, il faut attendre par contre les années 1920 pour que la fête se répande dans la province. OK. Et à Thetford Mines d'ailleurs, c'est vraiment dans les années 20 qu'on va commencer à fêter la fête de Dollard des Ormeaux. OK. Donc, on forme un comité dans le but de recueillir des fonds pour lever un bus de Dollard des Ormeaux. Ceux qui vont nous écouter, qui veulent aller voir sur la page du PC 105,5, on voit le fameux bus qui va être réalisé. Bon, la photo ne date pas de 1924, mais c'est le même bus qui a été réalisé en 1924. Okay. On va amasser 400$ et le bus va mesurer bon, 30 pouces de hauteur, 16 pouces de large et 12 pouces de profondeur. Il est placé à la droite du fauteuil du maire. Et d'ailleurs, il va être là très, très, très longtemps. Il va être là jusqu'en 1957. Alors qu'il y a des transformations à la salle de l'hôtel de ville. OK, dans la salle du conseil. Oui, la salle okay. du conseil. OK. Bon, au niveau des célébrations en 1924, bon, évidemment qu'il va y avoir hein, une messe de communion à l'église Saint-Alphonse et Saint-Maurice, parce que tout le monde sait que rien de mieux pour commencer une fête qu'y aller qu'une messe de communion pour partir de la journée. Oui. Hein? Ça l'aide à pépé. À l'époque, oui, c'est ça. Ça lève le parti par à peu près. Après ça, l'après-midi à l'hôtel de ville, à 1h, on va y avoir des parades dans la rue. Hein? On va détachement de police, des chars allégoriques de dollars accompagnés d'un corps de clairon. Les jeunes gens vont marcher dans la rue. On va voir des automobilistes. Hein? 1924, là, écoute, c'est un honneur d'avoir des voitures là, oui, j'imagine. Qui roulent dans les rues. À 2h30, il va y avoir un concert public par l'Orchestre Rousseau. Après ça, des chants canadiens pour la chorale des enfants. Il va y avoir évidemment une élection et la présentation du fameux buste de dollars. La fanfare, il va y avoir une fanfare de la Société Philharmonique et on va finir l'après-midi avec un discours du maire G.L. Domers. Bon, évidemment qu'en soirée, il va aussi y avoir une veillée des armes au Collège Lassalle et un hommage de la jeunesse à Delord Desormeaux. À ceux qui se demandent, bon, comment qu'on doit fêter cette journée-là, ben, le comité des fêtes répond en décorant nos demeures, en portant joyeusement la rose de Delord qui va être vendue aux portes de l'église, okay. En communiant, hein, parce que comme je dis ça, ça prend ça absolument ça, ouais, oui. Écoute, en prenant part au cortège et en étant à la veillée des âmes le soir à 8 heures. Et aussi en assistant au collège à Fils de France, la belle pièce que le cercle dramatique de l'ODJ interprète. Ah oui, ok. Oui. Il y avait une pièce. Ouais. Et là, évidemment, on a un panne générique. Tu sais que j'avais fait celui pour le sirop d'érable. Oui. Donc, j'ai trouvé le même pour la fête de l'or. Hein? En ce beau jour, entends, noble héros, nos chants de gloire au dehors des ormeaux. Car la foi soutient la puissance de ton bras valeureux, tu souffras la Nouvelle-France avec 16 autres preux. Le souvenir de la vaillance proclamera tes exploits glorieux. Sous ton drapeau, tout un peuple à genoux fait le sommet de tenir jusqu'au bout. Descendant du même race, fils de ces fiers guerriers, le devoir nous veut à ta place. Au champ d'honneur, suivons leurs traces, vengeons nos droits comme nos devanciers. C'est pas merveilleux, hein? On dit qu'à l'époque, on fêtait un peu à peu près. Hein? C'est, on est... Donc, on continue à fêter là, 10 ans plus tard, par exemple en 1934. Bon, il y a encore évidemment de quoi se passe au Collège La Salle. On peut aller voir encore le cercle dramatique qui met en pièce Le gondolier de la mort de Charles Leroy-Villard avec 60 acteurs en scène. Hein, on peut aussi assister à un concert de grande valeur organisé par le cercle Pie 11, donné par la Symphonie de Québec et à la salle du Collège. Donc, comme dit, dans les années 20, 30, 40, les activités vont continuer sur la fête de Delord Desormeaux. C'est ça qu'on fête. Oui. Mais à partir des années 1960, ouais. Le Québec de la Révolution tranquille, on redécouvre la rébellion des patriotes et ses héros, hein, dont Chénier. On commence à l'associer à la fête de mai. OK. Aux côtés de Delord. Au début, là, en fait, on commence à associer les deux ensemble. OK. Avec le temps, toutefois, on met un peu de côté de Delord. Pourquoi? Ouais, hein? C'est ça que j'allais dire. On s'aperçoit que l'héroïsme légendaire est contesté un peu. Hein? Ouais. De fait, les historiens. Ils tentent de documenter l'incident des données. Il manque de données probantes hein, pour ce qu'on nous disait. C'est beaucoup plus une légende, okay. On s'aperçoit que ce qui est vraiment arrivé. Là. Hein, on se dit que, bon, si Delord Desormeaux, il serait peut-être parti de sa propre initiative pour rejoindre un convoi d'autochtones alliés des Français et récupérer des fourrures et non défendre la ville, okay. Hein, qui n'avait pas été livrée depuis des mois. On dit qu'il aurait peut-être aussi décidé de s'emparer d'un butin. Confondait des Iroquois qui voulaient avoir la même idée que lui, qui voulaient avoir le butin eux aussi. Okay. Puis il serait peut-être aussi résumé, selon un journaliste d'époque, Raymond Desmarteaux, un pirate malchanceux, tout comme maladroit, parce que c'est comme peut-être lui qui avait fait sauter les barils de poudre qui étaient avec. Ah oui? Fait que c'était peut-être pas vraiment le héros finalement qu'on pensait, puis ouais. On fêtait ça comme une fête, c'est peut-être un peu gênant. Ok. Puis il y a aussi le fait que on veut éviter de célébrer une victoire contre les peuples autochtones. Oui, c'est vrai, ça en aussi. Particulier après la crise d'Oka de 1990. Oui. C'est une autre raison pourquoi on va éliminer de plus en plus Delord Desormeaux. OK. Ce qui fait que le 20 novembre 2002, le gouvernement du Québec désigne par décret, le décret 1322, le jour de la fête de Delord, Journée nationale des Patriotes. Et c'est donc la première Journée nationale des Patriotes va être célébrée le 19 mai 2003. OK, depuis 2003. Et depuis ce temps-là, au Québec, on célèbre la Journée nationale des Patriotes. Okay. Mais la fête de Victoria est encore au calendrier. Oui. Le Victory Gas Day, du Canada anglais, est encore fêté dans le reste du Canada. Mais nous, au Québec, c'est la Journée nationale des Patriotes. Donc, exit Delord Desormeaux. OK. Donc, on n'entend plus parler de Delord, finalement. C'est fini. OK. Ça s'explique bien, mais merci beaucoup. Bon. Super le fun. On se revoit quelque part au mois de juin encore. Oui, début juin, autour du... je vais venir vous parler... En juin 1938, Thetford a eu la visite d'industriels nazis. Ouais. En ce moment-là, on peut dire que c'était nos amis les nazis. Et je vais vous expliquer pourquoi. On est avant la Deuxième Guerre, là. Oui, ouais. Quoique l'Allemagne nazie a déjà indexé l'Autriche. Okay. À ce moment-là, bien, indexé, c'était des moyens que les Autrichiens le voulaient, là. Et puis, on s'en allait tranquillement pas vite vers l'indexation aussi des Sudètes, là. Mais, là, vous allez dire, je vais vous expliquer pourquoi que les nazis étaient chez nous en juin 38. Ouais, c'était intriguant. Hey, merci beaucoup, Stéphane. Ouais. À la prochaine.